JB, tu te rappelles de ce bus de Joncaille? Ouais, c'était l'époque où on était fou, prêt à tout pour se faire de la maille. De tête grainée, engrainée dans un système de fou. Mais pour agir sur ce coup-là, il nous fallait un troisième dans le coup. Donc on a fait confiance à une vieille connaissance, à un ami d'enfance qui était en manque de finances. Mission accomplie, tout s'est déroulé sans accroc. Mais le comble de l'histoire, c'est qu'on n'a jamais revu le mago, le salaud. M'a mis en chien, pourtant je devais nourrir mon fils, Litma. Et moi avec, j'aurais pu mettre à l'aise ma mifa. On partageait tout uni comme les cinq doigts de la main. Rien ne pouvait nous séparer, pas même le destin. J'aurais donné 10 fois ma vie pour toi, mon ami. Exterminer tes problèmes et même tes ennemis. Puis le vide s'est creusé quand ton porte-monnaie a gonflé. Tous les rapaces autour de toi se sont ramenés comme des enfants. Ta tête a tourné comme une boule de billard. Ça fait pas longtemps, mon frère, c'était à peine hier. On a beau se parler, se regarder dans le marron des yeux, ça sera plus comme avant, notre amitié est montée aux cieux. Tu sais, je t'en veux pas, négro, je te pardonne tout. On se reverra là-haut, ça sera comme avant, au bon vieux temps, pour l'éternité. On sera amis à nouveau, mais tu sais, je t'en veux pas, négro, je te pardonne tout. On se reverra là-haut, ça sera comme avant, au bon vieux temps, pour l'éternité. J'aurai les mêmes sentiments. Je t'en veux pas, négro, m'avoir laissé tomber. Je croyais que t'étais mon ami, mais je m'étais trompé. Je t'en veux pas, frérot, de m'avoir roué de coups. Quand je me vois aujourd'hui, je t'en remercie beaucoup. Je t'en veux pas, négro, d'être parti avec elle. Elle m'a laissé pour toi, et tu m'as trahi pour elle. Je t'en veux pas, salaud, c'était pas ta faute. Je t'en veux pas, négro, c'est pas celle des autres. Si ça s'est passé, c'est que c'était écrit. C'était notre destin, et Dieu l'a voulu ainsi. À tes côtés, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie. C'est malheureux, mais quand j'y pense, mec, j'en ai encore envie. Rien que d'y penser, enfoiré, j'en ai des sueurs. T'es parti comme tu vivais sur une route à 200 à l'heure là-haut. C'est pas la bonne planque, même s'il y a rien à craindre. Mec, si je te manque, fais-moi un signe et puis je viendrai te rejoindre. Je hais les 30 du mois et tous les mois de mars. Le destin nous a trahis, normal, la vie est une garce. Je t'en ai voulu de m'avoir laissé, puis je me suis fait une raison. Je te revois là-haut, mec, je t'en veux pas, je te dédie. Mais tu sais, je t'en veux pas, négro, je te pardonne tout. On se reverra là-haut, ça sera comme avant, au bon vieux temps, pour l'éternité. On sera amis à nouveau, mais tu sais, je t'en veux pas, négro, je te pardonne tout. On se reverra là-haut, ça sera comme avant, au bon vieux temps, pour l'éternité. J'aurai les mêmes sentiments. J'ai pas oublié l'époque où je portais des fûts craqués, tu dosais mes pompes trouées, ça te faisait marrer. J'ai pas oublié toutes ces soirées passées sur deux chaises au foyer, en talons réveillés par l'odeur du café. J'ai pas oublié quand je tournais gamélé. Merci à ceux qui m'ont soutenu, épaulé. Ceux qui ont retourné leur veste, je peux pas oublier. T'y a pas si longtemps que ça, tu nous fuyais comme la peste. Maintenant qu'on pète, tu check, tu voudrais qu'on t'emmène. En soirée, cocktail mondaine, qu'on devienne les meilleurs amis du monde, tu rêves. C'est pas qu'on veut pas, on peut pas oublier. La vie nous enseigne qu'il faut pas être rancunier. Seul Dieu a droit de juger. Ou en bas de chez toi, que tu portes le croissant, la lune, l'étoile ou la croix. Sache que dans toutes les religions, le Seigneur accorde le pardon. Entre les coups de grâce, les coups de crosse, les ruses, les crises, les rosses entre les races, on est tous bloqués dans la passe. Un ami c'est si cher que s'il te trahit, il te transperce la chair. Souviens-toi, même l'homme crucifié a pardonné à ses frères. Mais tu sais, je t'en veux pas, négro, je te pardonne tout. On se reverra là-haut, ça sera comme avant, au bon vieux temps, pour l'éternité. On sera amis à nouveau, mais tu sais, je t'en veux pas, négro, je te pardonne tout. On se reverra là-haut, ça sera comme avant, au bon vieux temps, pour l'éternité. J'aurai les mêmes sentiments, mais tu sais, je t'en veux pas, négro, je te pardonne tout. On se reverra là-haut, ça sera comme avant, au bon vieux temps, pour l'éternité. On sera amis à nouveau, mais tu sais, je t'en veux pas, négro, je te pardonne tout. On se reverra là-haut. Comment ça, je t'en veux pas? Comment ça? Moi, un mec qui me fait un plan comme ça, j'y nique sa mère à coups de talon. Comment ça? Bah tiens, mange-toi ça, et puis ça, et ça. Ça te plaît, ça, hein? Tiens, je recommence, et ça. Et puis celle-là, tu la connaissais? Je te nique ta mère. Bon, bon, mais quand même, il y a des gens bien. Comme dit Kibla, faut toujours militer pour les siens, quelle que soit la race. N'empêche que ça fait une paye qu'on t'a pas vu à la synagogue, à ce qui paraît. Hein? Allez, on va quand même passer son.